la vive douleur dont mon âme est atteinte, vous que je vis toujours si sensible à mes mots, hélas, daignez entendre encore ma triste plainte. Quel criminel est mort?